Toujours à l'occasion du jour du décès du président Kim Il-sung, le comité angolais à la mémoire du président Kim Il-sung, le secrétaire général du Parti communiste de la Nouvelle-Yougoslavie de Serbie, le président du comité national guinéen d'études du kim-il-sungisme, Kim Jong-ilisme et le président du comité d'amitié et de solidarité Bangladesh-Corée ont exalté dans les déclarations et entretiens les espoirs immortels du grand leader accompli devant l'histoire et l'humanité par ses éminentes pensées et théories et sa pratique révolutionnaire colossale.